Est donc sociologue, spécialiste de la sociologie de la banque. Son approche, qui se rattache à la sociologie pragmatiste de Luc Boltanski, ne considère pas le phénomène bancaire comme une institution allant de soi, mais au contraire comme le produit d'une histoire déterminée dont la stabilité se rejoue sans cesse dans des épreuves quotidiennes au fil des relations qu'ont les acteurs de la banque avec les usagers et les clients. Son travail relève donc, en quelque sorte, si j'ose dire, d'une histoire du capitalisme qu'on pourrait appeler à hauteur d'homme. Attentive à la dimension sensible de ce qui n'est traité le plus souvent que de manière la plus technique et la plus impersonnelle. Loin des grandes théories fonctionnalistes ou des descriptions purement comptables du système bancaire, elle s'attache ainsi au contraire à retracer les voies de la diffusion de ce système, en particulier en France depuis les années 60, en repartant des pratiques par lesquelles ce système prend sens pour les personnes qui entrent en relation avec celui-ci. C'était notamment l'enjeu de sa thèse, parue sous le titre L'épreuve de l'argent, banque, banquier, client, parue en 2012. Cette approche qu'on pourrait qualifier de concrète du phénomène monétaire, l'étude des conditions sociales de l'accès au crédit, loin des modélisations abstraites des économistes, cette approche l'a conduit à s'intéresser également à la dimension sociale de la politique bancaire, aux discriminations silencieuses qu'elle induit, à la manière dont elle est porteuse de production ou de reproduction d'inégalités. Cette sensibilité à la dimension concrète et sensible de la monnaie, entendue comme argent, l'a conduite également à critiquer l'approche technocratique des pratiques bancaires qui ne sont le plus souvent étudiées que sous l'angle appauvrissant et biaisé de l'intérêt individuel. C'était l'objet de cet ouvrage collectif intitulé Le biais comportementaliste, paru auprès de Sciences Po en 2018. Sa communication d'aujourd'hui est intitulée L'inclusion financière comme politique sociale et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. J'ai 1 heure, c'est ça? Oui, Ou... c'est ça, à peu près. Merci beaucoup de cette invitation. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un morceau de mon habilitation à diriger les recherches, qui est donc terminée, et qui était consacré à réfléchir à tout un ensemble de politiques publiques qui organisent la façon dont on utilise l'argent, pour le dire très vite. Et en particulier, ce qui m'a intéressée, c'est de voir que on a, depuis une quinzaine d'années, demandé aux banques de participer aux politiques publiques de lutte contre la pauvreté. Et donc, avec une sorte de mélange des genres, un peu de confusion entre les rôles des différentes parties que j'ai pu regarder. En gros, si on peut diviser l'espace en quatre, enfin, l'espace que j'ai regardé en 4 zones. On aurait d'un côté, disons, le public, de l'autre le privé, mais en fait, ces 2 zones sont déjà, enfin, sont elles-mêmes à rediviser, parce que dans chacune de ces zones, on a ce que j'ai appelé le pôle économique et le pôle social. C'est-à-dire qu'au sein de l'État, entre le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'économie, on a des acteurs extrêmement différents, des logiques d'action extrêmement différentes. Et au sein de l'espace privé, on a de la même façon des acteurs qu'on va retrouver du côté de l'économie solidaire, du monde associatif, et des acteurs privés que sont les acteurs bancaires. Et donc en gros, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ces 4 pôles circulent. Et autour de ces politiques d'inclusion bancaire, en fait, on voit des circulations intéressantes avec des jeux d'alliances parfois inattendus. Et notamment, cette alliance entre le pôle public économique et le pôle privé économique, et de l'autre côté, l'alliance plutôt avec le pôle social et le monde associatif. Ma question de départ, en fait, c'est la question de la protection. C'est-à-dire que j'ai beaucoup lu ces dernières années des textes d'économie politique, de sociologie, décrivant la façon dont les risques qui pèsent sur les individus sont multipliés par ce phénomène qu'on appelle la financiarisation, et notamment la financiarisation de la vie quotidienne. Et en même temps, donc je lisais ça d'un côté, mais de l'autre côté, en observant ce que racontent les pouvoirs publics, les organisations internationales, ce qu'on trouve comme justification des politiques publiques, je trouvais sans cesse l'idée que les États étaient en train de protéger la population, et notamment de la protéger devant les risques financiers qui se multiplient de toutes sortes. Et donc, il y avait un paradoxe très fort entre, donc, d'un côté, cette description d'une mise en risque des individus par la libéralisation de l'économie, par des régulations de plus en plus faibles, et puis des États expliquant qu'ils organisent la protection. Donc, si on regarde ce qui se passe, un des premiers éléments, c'est évidemment le recul de l'État-providence, qui ne veut pas dire une suppression de l'État-providence, hein, ce serait trop rapide, évidemment, de le présenter comme ça, mais on a des transferts sociaux qui diminuent soit en quantité, soit en proportion, hein, la redistribution des plus riches vers les plus pauvres. On a aussi une baisse de ce qui est assuré collectivement au profit d'assurances qui sont de plus en plus individualisées, et donc ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle la financiarisation de la vie quotidienne, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir... Alors, prenons la retraite, hein, et prenons la retraite dans les pays anglo-saxons, plutôt que d'avoir des systèmes de répartition obligatoires où, quand on travaille, on a une partie de son revenu qui va être déposée quelque part, que ce soit par répartition ou par capitalisation d'ailleurs, on va avoir de plus en plus des systèmes où on verse de l'argent aux gens, et c'est aux individus de trouver où ils vont placer leur argent dans l'idée de préparer individuellement leur retraite. Et on trouve le même genre de phénomène pour l'assurance maladie, mais aussi pour l'éducation. Et donc, toute une série de décisions financières que les individus doivent prendre, qu'ils n'avaient pas à prendre avant. Parallèlement à ça, on a aussi une transformation de l'action de l'État, qui est décrite largement dans les travaux de sciences politiques. Les politistes parlent d'un État régulateur, c'est-à-dire un État qui n'intervient plus directement, qui ne prend pas en charge. Alors si on prend les politiques sociales, c'est très très très vrai, on a énormément de relais, l'État va définir les grands axes de la politique, mais ensuite va avoir des opérateurs qui ne seront pas des opérateurs publics, mais qui seront régulés par l'État. Et donc on a une délégation des missions, et le rôle de l'État va être d'organiser soit les missions de protection, soit des marchés dans lesquels des acteurs privés vont intervenir. Donc ce soit donc le monde privé le plus classique ou le monde associatif. Et puis parallèlement à ça, donc, on a cette financiarisation de la vie quotidienne, cette idée que les ménages sont de plus en plus proches de la finance, qu'on est dans une période de keynésianisme privatisé. Ça, c'est un politiste anglais qui s'appelle Colin Crouch qui a inventé ce terme. Lui, ce qu'il décrit, il dit le keynésianisme, c'est l'idée que l'État s'endette pour financer la croissance et développer la consommation. Le keynésianisme privé, les États ne s'endettent plus, puisqu'on a l'idée généralisée que l'endettement public est trop important, que les États doivent diminuer leur endettement. Mais en fait, cet endettement, il est transféré aux ménages qui, eux, doivent s'endetter pour maintenir leur niveau de vie, pour payer leur logement, mais aussi l'éducation de leurs enfants, et puis faire face à tous les chocs qu'ils peuvent rencontrer, notamment des chocs professionnels ou les chocs de la vie quotidienne, par l'endettement. Et d'ailleurs, une des preuves de ça, c'est que si on regarde les deux causes premières de l'endettement aux États-Unis, c'est le logement et la santé. Le logement, c'est une source ancienne d'endettement. La santé, c'est beaucoup plus étonnant, en fait. Et ça prouve bien qu'on parle toujours des taux d'endettement très élevés des Américains, qui sont d'ailleurs, quand on compare, ils ne sont pas tellement plus élevés que les nôtres. Mais ce qui est très frappant, c'est que ce n'est pas un endettement pour le plaisir, pour la consommation, pour les loisirs, c'est un endettement pour des choses fondamentales. Et là, on voit bien vraiment le jeu de flux entre les deux, c'est-à-dire qu'on a plus d'assurance, enfin on a des assurances collectives qui sont très faibles, et les assurances médicales aux États-Unis, c'est un vieux problème, elles sont structurellement très faibles. Donc pour y répondre, c'est l'endettement privé qui va y répondre, et non pas l'endettement public, par exemple, qui pourrait financer un système de santé public. Donc pour en arriver à ma question, on a ces trois grosses transformations, le recul de l'État-providence, l'État qui devient régulateur, et puis les risques financiers plus importants qui pèsent sur les ménages. Et donc, mon hypothèse, celle que j'ai cherché à démontrer, c'est que ce que tout ça va transformer, c'est que les politiques sociales vont être beaucoup plus intéressées par ce qu'il se passe sur les comptes en banque des ménages. Et paradoxalement, quand on regarde l'histoire des politiques sociales et la façon même dont c'est théorisé en sociologie, en sciences politiques, d'une certaine façon, ça parle très peu d'argent. Si vous lisez Robert Castel, si vous lisez Rosan Vallon sur les politiques sociales, on va vous parler des grands équilibres, des conceptions de ce que est la pauvreté, etc. Mais ça vous parle très très peu d'argent. Or, mon observation, c'est que l'argent en tant que tel, dans sa forme la plus basique, hein, c'est-à-dire combien les gens ont, combien ça leur coûte de devoir se loger et subvenir à leurs besoins, ces questions-là sont de plus en plus investies par différents groupes. Et donc je me suis intéressée, pour démontrer ça, je me suis intéressée à diverses politiques publiques, donc à la fois la politique bancaire dans son ensemble, c'est-à-dire comment l'État organise le paysage monétaire, l'argent, comment on a accès à de l'argent, comment on paye, les questions de frais bancaires, etc. Les questions de crédit et de surendettement, les questions d'inclusion bancaire dont je vais vous parler aujourd'hui, l'éducation financière, qui était en fait mon entrée sur ce sujet, parce que c'était vraiment l'entrée par l'éducation financière, je vous en dis deux mots et j'en reparlerai plus ensuite. Ce qui m'a intéressée, c'est que c'est une politique qui se développe au niveau international, qui est poussée très très fortement par l'OCDE et par les pays anglo-américains. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, l'Australie sont très très très en pointe là-dessus. Et c'est présenté comme le moyen de lutter contre tous les nouveaux risques qui sont liés à ces transformations. En gros, le truc, c'est de dire les individus font face à cette incertitude gigantesque devant la financiarisation. Ils ne savent pas combien ils auront pour leur retraite. Ils ne savent pas si demain, il n'y aura pas une crise financière qui va apparaître, etc. Et tout ça est présenté comme des choses qui sont des espèces de catastrophes naturelles qui vont tomber sur les gens, évidemment. Ce n'est pas du tout lié à aucun choix politique. Et donc, pour résoudre ça, la solution, c'est de les rendre conscients de tous ces risques par l'éducation financière. Là, je le présente volontairement de façon très ironique, mais ce qui est frappant, c'est le succès que ça a eu, y compris en France, alors que la France a longtemps considéré que ça ne la concernait pas. Donc ça, c'était un des gros terrains que j'ai regardé. Et puis un autre terrain, c'est les points conseil budget, qui sont un dispositif de très faible ampleur en France d'accompagnement budgétaire, mais qui m'a intéressée parce que j'y ai trouvé tous les acteurs que j'avais suivis dans les autres domaines, qui étaient tous là autour de ce micro-objet, mais qui permet, enfin voilà, qui était une espèce de catalyseur de tout ce que j'avais vu. Donc, mon point de départ, c'est de dire que les États n'ont pas renoncé à protéger les citoyens malgré donc cette mise en risque financière qu'ils subissent. Et que donc l'encadrement de l'argent des ménages est une sorte de politique publique qui a toujours eu lieu, parce que quand on regarde par exemple les politiques bancaires, mais aussi toutes les politiques de construction de la protection sociale, ce sont des politiques de l'argent des ménages. Ça ne s'appelle pas de cette façon-là, mais quand on fait un système d'assurance maladie ou d'assurance chômage qui va compenser l'absence de revenus parce qu'on n'est pas en mesure de travailler, c'est bien de l'argent des ménages dont il s'agit. Mais ça n'a jamais été vraiment regardé sous cet angle. Donc là, mon angle, c'était d'essayer de regarder toutes les politiques qui organisent une stabilité monétaire pour les ménages. Et ce faisant, je voulais aussi montrer que les politiques sociales font partie des politiques économiques et qu'on a tendance souvent à les regarder séparément. Si vous prenez un manuel de politique sociale, vous trouverez des choses sur la sécurité sociale, mais par exemple, vous ne trouverez jamais en France un chapitre sur le surendettement. Alors que la procédure de surendettement, c'est une politique économique. D'ailleurs, vous ne la trouverez pas dans beaucoup de manuels, la procédure de surendettement, parce que si vous regardez un manuel sur les politiques monétaires, c'est complètement en dehors du champ de recherche des gens qui travaillent sur les politiques monétaires. Donc c'est une de ces politiques qui est entre les deux et donc qui finalement n'est pas vraiment saisie ni d'un côté ni de l'autre. Or, si on regarde la façon dont les politistes nord-américains posent ce genre de questions, en fait, on se rend compte que pour eux, c'est une évidence que les politiques de crédit, en particulier, font partie des politiques sociales. Et c'est notamment un ouvrage qui est vraiment que je vous conseille, de Monica Prasad, qui s'appelle « The Land of Too Much », qui est un livre sur l'histoire économique et sociale des États-Unis de la fin du 19e et du début du 20e siècle, où elle explique que le problème des Américains, qui était le seul pays au monde qui avait ce problème à ce moment-là, c'était d'avoir une surabondance de richesses. C'est le titre, hein, c'est « The Land of Too Much ». Alors qu'à ce moment-là, côté Europe, le problème, c'était de construire la production et de donner assez à manger à l'ensemble de la population. Les Américains, leur problème, c'est qu'ils avaient beaucoup trop et qu'il fallait écouler toute cette production. Et pour ça, il fallait inventer un système qui permettait de créer de la consommation. D'où un système de crédit qui a été très rapidement monté aux États-Unis avec le soutien des producteurs qui avaient besoin d'un système de crédit. Et donc, quand on regarde la logique aujourd'hui encore, hein, tous les travaux sur l'organisation du système social américain, il y a toujours une partie sur le crédit. Ça fait complètement partie de cette logique, d'autant plus que le système de protection sociale par des assurances collectives est moins protecteur et a toujours laissé des espèces de trous compensés par le crédit, mais compensés de façon vraiment consciente comme étant, enfin théorisée comme étant un outil de politique sociale, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Et si on regarde Robert Castel, qui serait donc, enfin qu'on peut considérer vraiment comme les métamorphoses de la question sociale, c'est vraiment le grand livre qui décrit ce que c'est que la protection sociale en France et qui organise beaucoup la pensée de la plupart des gens qui travaillent là-dessus. Il ne parle pas de crédit, Robert Castel, dans son ouvrage, ni du crédit comme un problème qu'il faudrait résoudre par la protection sociale, ni comme un outil qui permettrait de passer des moments difficiles. C'est pas du tout présent. Par contre, Robert Castel, il nous parle d'argent quand même, puisqu'il nous parle de cette question de stabiliser l'organisation économique des ménages et ce passage, enfin le salariat qui passe de la position la moins enviable, parce que la plus instable, celle sur laquelle on ne peut rien planifier, à au contraire la position centrale, celle qui va permettre d'être un membre de la société, de pouvoir anticiper l'ensemble de sa vie et la vie de ses enfants. Ça, c'est vraiment une question de stabilisation économique. Donc, considérer que politique sociale et politique économique vont ensemble, c'est une évidence. Les politiques sociales, c'est des énormes sommes d'argent qui sont des énormes flux d'argent. Mais c'est souvent, dans le cas français, traité de façon séparée et traité aussi par des acteurs séparés. C'est-à-dire qu'au sein des ministères, les gens qui font de l'économique vous disent qu'ils ne font pas du social et les gens qui font du social vous disent qu'ils sont obligés de faire de l'économique mais que ça dénature le fond de ce qu'ils devraient faire. Donc, par les approches classiques de la sécurité sociale ou de la solidarité qui ne traitent pas de façon frontale de questions d'argent, ont eu comme, à mon avis, comme problème pour traiter de la situation sociale contemporaine, le fait que devant la précarisation économique croissante, qui vient de l'effritement de l'État-providence, des problèmes de chômage, mais qui datent donc des années 70, hein, on a un problème de théorisation en fait pour parler de ça. D'autant plus que notre système social de protection sociale, comme vous le savez, est fondé sur le travail. C'est-à-dire que toute l'organisation du système social, toutes les protections qu'on a, on les a parce qu'on est salarié. Ou parce qu'on est indépendant, mais qu'on cotise, mais on est moins protégé. Qu'est-ce qui se passe quand on a une partie très importante de la population qui n'arrive plus à bénéficier de ces protections par le travail? Soit parce qu'elle n'a pas accès au travail, soit parce qu'elle a un travail qui est tellement dégradé, dans des conditions de travail ou des conditions de contrat qui sont tellement dégradées, qu'elle n'a plus la protection créée par l'État-providence. Et cette question-là, elle est absolument centrale politiquement. Enfin, on ne parle que de ça, en fait, quand on regarde les débats politiques. Et pourtant, c'est finalement, dans la théorisation classique qu'on a pour parler des politiques sociales, on se retrouve toujours un petit peu coincé, en fait. Parce qu'on parle de l'effritement de l'État-providence, etc. Mais cette question des gens qui sont en dehors de la logique dans laquelle l'État-providence a été construite, finalement, c'est pas la même chose que l'effritement. Comment on réfléchit à ça? Sachant que les politiques publiques, elles, y réfléchissent, puisqu'elles sont que ce soit les services sociaux, que ce soit ceux qui réfléchissent plus largement, de façon plus globale, au système de protection sociale, évidemment que c'est des questions qui se présentent. Et il se trouve que ces questions, en fait, ont été beaucoup discutées autour du monde bancaire, parce que les banques se sont trouvées frontalement confrontées à ça. Le système bancaire français, je vais y venir juste après, il est complètement fabriqué sur le salarié stable des Trente Glorieuses. Donc le système bancaire français s'est trouvé avec des tas de clients qui ne correspondaient plus à ce salarié stable des Trente Glorieuses et il fallait trouver des solutions pour ces clients-là. Comment y répondre ? En France, on a une période d'effervescence autour de ces questions donc d'inclusion bancaire. C'est le terme consacré, hein, c'est le terme qu'on trouve désormais dans la loi depuis 2013, qui se traduit par la mise en œuvre de microcrédits sociaux, par la création de l'Observatoire de l'inclusion bancaire en 2014, par un dispositif qui s'appelle l'offre clientèle fragile, qui est une offre que les banques ont l'obligation de proposer à, donc, tel que c'est écrit dans la loi, la clientèle fragile. Vous voyez que c'est une catégorie sociale qui mérite quelques précisions. On a aussi l'éducation financière, les points conseil budget. Donc tout ça, c'est notamment depuis 2013, c'est très très fort, avec la Banque de France qui a été mandatée et qui a mis en place des départements, des gens qui ont ces choses-là en charge. Mais c'est des discussions qu'on retrouve depuis la fin des années 90 avec toute une série d'acteurs que je vais présenter. On trouve aussi des ministères en nombre important qui sont mobilisés. Donc le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Économie, le Trésor, tous les secrétariats d'État au handicap, à la précarité, etc. Enfin, il y a toute une nébuleuse. Hein, c'est le ministère des Affaires sociales et de la Santé, c'est gigantesque. Et donc, il y a plein de secrétaires d'État. Donc, il y a toute une série de gens qui sont investis sur ces questions. On a aussi les grands corps qui sont mobilisés. Hein, la Cour des comptes, en 2017, a fait un rapport sur l'inclusion financière. L'IGAS a été mobilisé, alors que l'IGAS n'avait jamais fait, par exemple, l'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est l'inspection du ministère des Affaires Sociales, n'avait par exemple jamais fait de rapport sur le surendettement, sur la politique de surendettement, qui relevait du monde économique, donc plutôt de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances. Donc on a tous ces signaux d'une effervescence. Et donc la question, c'est quelle forme de protection tout cela est en train de fabriquer ? Donc si on prend dans les littératures, si on regarde un peu ce que veut dire le terme protection, on a la version Castel qui nous dit la protection, c'est deux choses. C'est la protection civile, c'est-à-dire protection de pouvoir être un citoyen qui a des droits et des libertés, et les protections sociales, donc la possibilité de pouvoir planifier sa vie et d'être équilibré. On a une autre vision qui est autour de toute la notion de care, la protection autour de la vulnérabilité, hein, donc avec comme objectif que les personnes se sentent bien, soient dans des rapports agréables avec les autres, que aussi toute la question du soin physique autour de la maladie, de la vieillesse, ce genre de choses. La protection, ça peut être aussi l'idée de sécurisation de la participation au marché, et notamment la protection des consommateurs. Et quand on regarde le développement du terme de protection dans le monde de l'Union européenne, il est largement, quand on parle de protection, c'est quasiment tout le temps en protection du consommateur. Donc s'assurer qu'un consommateur ne sera pas dupé quand il va rentrer sur un marché. Et ça va très bien avec l'idée d'un État régulateur. On a aussi la protection au sens de l'assurance, de pouvoir soit assister quelqu'un qui est dans une situation difficile, soit compenser les pertes qu'il aura eues par des formes d'assurance. Et puis après, il y a la question aussi de la protection au sens individuel ou au sens collectif. C'est-à-dire la protection, ce n'est pas seulement ma propre protection, c'est aussi la protection de mon environnement, de mon mode de vie, de pouvoir passer à la génération future mon niveau de vie. Et là, c'est toute la question du déclassement qui fait partie, hein, quand on lit truc de Chauvel, par exemple, sur l'anxiété des classes moyennes, c'est une anxiété qui est générationnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour soi-même, mais c'est pour la transmission de sa position sociale. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de regarder cette question de la protection depuis la participation au marché, et de regarder comment l'idée de participation au monde bancaire est vue comme une protection par des acteurs très différents. Et donc, avec progressivement l'idée que on pourrait substituer à la protection sociale classique la protection par l'inclusion financière. Le fait de pouvoir participer au monde bancaire et financier serait une forme de protection. Protection parce que on trouverait dans ce monde-là des assurances ou des outils de protection. Donc, je cotise à un fonds de pension ou je cotise à une assurance santé pour me protéger, pour pouvoir donc être financièrement équilibré tout au long de ma vie. Mais aussi, et ça va devenir, enfin c'est plus étonnant, progressivement l'idée que la protection bancaire pourrait être une protection contre la pauvreté. Que si je participe correctement au monde bancaire, ce sera un moyen de me protéger de tomber dans la pauvreté. Donc quelles sont les conceptions de la protection qu'on trouve dans ces politiques bancaires? Enfin, donc c'est ce que je vais regarder, comment dans les politiques bancaires on voit la protection des particuliers. Et on va voir que on a une évolution de ce modèle depuis la période de bancarisation. Donc la bancarisation en France, elle date des années 60, de la fin des années 60. C'est-à-dire, c'est un moment où on est passé d'une situation où très peu de gens avaient un compte en banque. Les gens avaient au mieux un compte à la caisse d'épargne sur lequel ils mettaient leur épargne. Et puis, l'argent qu'ils gagnaient par le travail était un argent donné en liquide, le plus souvent la semaine. Et c'était très rare, en fait, d'avoir de l'argent sur un compte en banque, de recevoir son salaire sur un compte en banque. Il fallait être riche pour avoir, ou avoir des salaires très importants pour avoir de l'argent sur un compte en banque. Le moment de la bancarisation, le gouvernement se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui n'est pas intégré dans les flux financiers, puisque c'est de l'argent qui circule en liquide. Donc le projet, c'est d'avoir une meilleure vision de cet argent et puis de pouvoir le faire participer. On est dans une période de forte croissance économique, on a besoin de faire financer des tas de projets industriels, donc de faire participer cet argent à toute cette politique industrielle. Donc à ce moment-là, les banques, il y a tout un changement de la régulation qui va faire que les banques vont être beaucoup plus, vont pouvoir ouvrir des agences de façon très facile, alors qu'avant c'était compliqué. Et puis on va aussi les encourager, elles sont publiques, hein, les banques à ce moment-là, les très grandes banques sont publiques. Donc on va les encourager à ouvrir des comptes à toute la population, comptes qui vont être gratuits et qui vont être très très simples. C'est-à-dire que sur ces comptes, on a seulement un chéquier. Il y a très peu de produits d'épargne. Les produits d'épargne disponibles, c'est d'épargne logement. Et on a la même chose dans toutes les banques. Et on a, voilà, quasiment tout le monde a la même chose. Et c'est un peu comme d'être affilié à la sécurité sociale. On a un compte en banque, comme on a un numéro de sécu. Et on reçoit son argent. Alors, il se trouve, vous voyez, 67-68, c'est aussi un moment de grande mutation de la société. Et une des revendications en mai 68, c'est la mensualisation des salaires. Parce qu'avoir un salaire mensuel, ça voulait dire avoir le même argent tous les mois. Et les mensualisés, oui, c'est un terme qui existait, enfin les mensuels, c'était soit les ouvriers d'élite, soit les employés. Mais dans le monde ouvrier, en fait, on n'avait pas de salaire mensuel. Et c'est vraiment vu comme une amélioration énorme de la stabilité d'avoir un salaire mensuel. Donc dans les accords en 68, on a ces accords de mensualisation qui vont prendre quelques années à être mis en œuvre et qui vont participer énormément à cette bancarisation, puisque ces salaires mensuels vont être payés sur des comptes. Et à ce moment-là, on est avec un État qui est producteur, c'est un État qui vraiment intervient dans l'économie. Les banques sont publiques, on a énormément d'entreprises publiques. Et l'État a des grands projets industriels, va développer telle et telle zone de l'industrie, tout en développant, en ayant cette autre branche qui est le développement de la consommation, qui n'est pas présentée comme telle, mais puisque de l'autre côté, on stabilise les revenus des ménages, En fait, c'est une façon aussi de s'assurer des débouchés pour la production qu'on soutient de l'autre côté. Donc le modèle français de bancarisation, il est relativement original. En fait, on n'a pas du tout le même modèle dans tous les pays, puisque c'est un modèle de bancarisation totale. C'est-à-dire qu'en France, on a 99,9% des gens qui ont un accès à la banque d'une façon ou d'une autre. Par exemple, aux États-Unis, on a 7% de la population qui n'a pas de compte en banque. Et on considère qu'il y a à peu près 25% de la population qui est qualifiée de « underbanked », c'est-à-dire c'est des gens qui ont un accès vaguement à des comptes en banque, mais qui en fait ne l'utilisent pas. Et donc utilisent soit de l'argent liquide, soit des tas de systèmes parallèles qui vont faire que, par exemple, si on reçoit un chèque, on peut échanger son chèque contre de l'argent liquide en échange d'une petite prime, ce qui n'est pas le cas en France. En France, si vous recevez un chèque et que vous n'avez pas de compte, vous êtes bien embêté avec votre chèque, vous ne pouvez rien en faire. Et donc, en France, c'est un énorme problème, en fait, si on n'a pas de compte en banque. On ne peut pas recevoir ses allocations, ses prestations sociales, on ne peut pas recevoir son salaire, bien sûr. Il y a plein de choses qu'il faut payer. Quand les gens sont interdits de chéquer, par exemple, ils s'aperçoivent du nombre de choses qu'il faut payer avec un chèque. Et on peut s'en rendre compte très facilement, par exemple, avec des étudiants étrangers qui arrivent et qui n'ont pas de compte, et pour qui c'est un enfer, tant qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir un compte, pour avoir leur bourse, pour pouvoir payer leur loyer, enfin voilà, tout est très très très compliqué si on n'a pas de compte en banque. Donc cette bancarisation, elle s'est inscrite dans les différents modèles, donc avec d'abord le dirigisme fort des années 60, puis dans les années 80, les banques ont été privatisées, donc dans toutes les vagues de privatisation, de toute l'industrie, on a eu les banques. Donc la première privatisation, c'est 86, et la dernière, c'est 2003. Donc ça a pris un temps assez conséquent, hein, sachant qu'il y avait eu en 82 un moment de renationalisation. Donc les dernières banques, en fait, les seules banques qui n'ont jamais été nationalisées, c'est les mutuelles, parce qu'elles sont mutuelles. Mais en 82, les banques qui ont été nationalisées, c'est les banques d'affaires, type Banque Rothschild, etc., qui restaient des banques privées, qui ont été donc pendant quelques années en fait privatisées, pendant pas longtemps, puisque à partir de 80, enfin nationalisées à partir de 86, on a eu ce mouvement de privatisation qui allait aussi avec une transformation des lois bancaires permettant aux banques d'être beaucoup plus créatives dans les produits qu'elles proposaient et de développer des produits de crédit, d'épargne, de toutes sortes, tout en étant quand même sous la houlette du ministère des Affaires, du ministère de l'Économie, hein, qui contrôle énormément tous les produits bancaires. Ils sont très très peu... Il y a plein de produits bancaires qui existent ailleurs qui n'existent pas en France. La France continue à avoir des produits bancaires extrêmement prudents. Hein, par exemple, on a des crédits, la plupart des crédits immobiliers sont des crédits amortissables, c'est-à-dire qu'on a un taux d'intérêt qui est le même tout au long de la vie du prêt, alors que dans la plupart des autres pays développés, on a des taux d'intérêt qui varient en fonction des marchés financiers, ce qui rend les crédits potentiellement moins chers si les taux baissent, mais aussi qui peut faire exploser les prix. Donc ce genre de choses, en fait, en France n'a jamais, même si légalement ce serait possible, en fait, ne s'est jamais tellement développé. Et puis on a donc des formes de régulation qui vont se transformer, avec une régulation qui est initialement une régulation très... très interventionniste et qui va devenir une régulation plus lointaine avec notamment beaucoup de soft law et beaucoup de chartes, donc une régulation à travers des endroits de discussion entre le monde bancaire et les associations de consommateurs où ils se mettent d'accord sur des choses, mais l'État est là un peu pour valider tout ça en étant peu interventionniste. Mais malgré ça, on continue à avoir un modèle extrêmement unique, unifié, enfin, homogène, et une lutte qui a commencé dès les années 50, mais qui s'est amplifiée à partir du moment où on avait une bancarisation, contre tout ce qui serait des services bancaires donnés par des entités qui ne seraient pas des banques. On n'a quasiment pas de système d'usure comme on pourrait trouver en Angleterre, aux États-Unis, de système parallèle où iraient se servir des gens qui, par exemple, n'accéderaient pas au crédit dans la banque. En fait, si on n'a pas de crédit dans la banque, en France, on n'a pas de crédit. On ne trouve pas de système parallèle. On a les établissements spécialisés de crédit, mais eux-mêmes sont très restrictifs. Et donc, un des effets, c'est qu'on a un système où 30%, 40% de la population, en fait, n'a pas tellement accès au crédit en France. Les 40% les plus pauvres n'ont pas accès au crédit. Ce qui a comme effet qu'on a un taux de surendettement qui est très faible comparé à d'autres pays du même type, mais évidemment une exclusion du crédit qui peut poser des problèmes. Donc on a un modèle qu'on peut qualifier d'inclusif, au sens où tout le monde doit participer à la banque, mais ce modèle est mis en question par ce que Castel appelle la déstabilisation des stables, c'est-à-dire à partir du moment où les salariés stables qui ont le même revenu mois après mois et pour qui on a fabriqué tous les produits bancaires se mettent à ne plus être si stables que ça, la banque se retrouve relativement démunie et se retrouve démunie dans une période de libéralisation. Donc on a un double effet. Ce qui s'est passé, enfin le résultat, c'est que dans les années 90, les banques ont multiplié, enfin ont augmenté énormément les frais qu'elles ont fait payer aux gens qui avaient des difficultés. Puisque en gros, dans les années 60, on a des banques qui sont gratuites et quand on a des frais bancaires, c'est un problème, mais ça prend jamais des proportions gigantesques. À partir des années 80 et de la libéralisation, et surtout dans les années 90, les banques vont chercher des moyens de gagner de l'argent sur les consommateurs, donc vont se mettre à faire payer des tas de trucs, et notamment pour les consommateurs les plus pauvres. Donc on va avoir un effet de segmentation de la clientèle, et la clientèle la plus pauvre, pour gagner de l'argent sur elle, ce ne sera pas sur l'argent qu'elle va placer. Ce ne sera pas sur les produits qu'on va lui vendre, mais ce sera sur les frais bancaires. Et donc, on a à ce moment-là vraiment une explosion des frais bancaires qui va arriver jusqu'aux associations caritatives, qui voient arriver chez elles des gens qui sont au RMI à l'époque, qui ont quelques milliers de francs par mois, et à qui on va prendre 500 francs, 700 francs. Enfin, on trouve des articles qui sont écrits à ce moment-là par les associations caritatives pour dire qu'il y a un énorme problème, les banques ruinent des gens qui sont déjà très très mal en point, et elles se font de l'argent sur leur dos, c'est absolument scandaleux. Et donc cette question-là va être politisée, va devenir une question politique. Alors un des effets de ça, c'est l'augmentation du droit au compte. Alors, le droit au compte s'est mis en place dans la loi bancaire de 84. Les lois bancaires, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une en 67, celle qui va faire la bancarisation, une en 84 qui va faire la libéralisation du système bancaire, et une en 2013 qui avait été promise par François Hollande quand il était candidat, qui était essentiellement destinée à séparer les activités spéculatives et les activités dites d'économie réelle, et dans laquelle on va avoir l'inclusion bancaire qui va être intégrée. Donc, la loi bancaire de 84, qui avait donc largement ouvert les possibilités pour les banques, avait un volet de protection avec cette idée de droit au compte, c'est-à-dire une obligation faite aux banques d'ouvrir un compte quand les gens n'arrivent pas à ouvrir un compte qui passe à la Banque de France. Alors, vous voyez le nombre de droits au compte ouverts pendant plusieurs décennies, c'est vraiment ridicule. En fait, un droit qui n'est pas mobilisé parce que c'est extrêmement compliqué à mobiliser. Et donc, on a en 98, il y a une grande loi, la loi de lutte contre les exclusions, faite par Lionel Jospin et Martine Aubry, dans laquelle, donc il y a plein, plein, plein, plein de choses dans cette loi, mais il y a des choses bancaires aussi. Parce qu'à ce moment-là, on a eu cette question qui est montée sur les problèmes de frais bancaires connus par une partie de la population. Donc le droit au compte est réformé à ce moment-là, ça permet d'avoir un peu plus de saisie. Et puis il y a ensuite toute une série de lois qui vont changer. Et vous voyez 2013, qui est aussi un moment où ça va augmenter. Donc c'est de plus en plus simple, disons, et donc de plus en plus mobilisé cette question du droit au compte. C'est à l'unité, là, le Oui, c'est le nombre, nombre c'est de... pas mille plus par dix. Non, Ça non, non. paraît peu. C'est très peu. Non, c'est très très peu. Parce que en fait, c'est des établissements qui sont désignés par la Banque de France. Donc, ça, c'est tout un circuit. Et la plupart des gens ont un compte en banque. Donc, pour se retrouver à avoir besoin d'un droit au compte, en fait, les gens qui vont être là, c'est soit des gens qui sont interdits bancaires et qui ont été rejetés par leur banque, soit des gens qui sont en situation légalement problématiques. Donc, par exemple, alors, les sans-papiers, je pense, n'ont pas droit au compte, mais on a toute la question de gens qui sont demandeurs d'asile, qui auraient droit à ouvrir un compte, en plus parce qu'ils reçoivent une prestation en tant que demandeurs d'asile, mais les banques rechignent à leur ouvrir les comptes, donc ils peuvent être dans cette situation-là. On a les gens qui vivent dans les foyers, et parce que les adresses dans les foyers sont mal vues par les banques, donc les banques ne veulent pas leur ouvrir. Donc voilà, on a ce type de personnes, mais c'est une très faible partie de la population. Plutôt dans les zones urbaines, alors. Non ? Si, bah, je pense que c'est plutôt dans les zones urbaines qu'on les trouve. Je ne saurais pas vous répondre, en fait. Bonne question. Donc voilà, donc ça c'est toutes les lois qui ont participé à ça. Et en 2017 d'ailleurs, la Cour des comptes s'est beaucoup fâchée sur ces chiffres en disant c'est pas normal que ces chiffres soient si faibles, parce que en fait ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils ne saisissent pas la Banque de France, mais ils vont à la banque postale ouvrir un livret d'épargne. Et la Cour des comptes dit le livret d'épargne ne joue pas du tout le rôle que devrait jouer le compte en banque, et c'est pas du tout une solution qu'il faut pérenniser. Donc il faut améliorer les choses. Donc cette question du droit au compte, ce qui est intéressant, c'est de regarder les débats autour de ça, qui sont des débats sur pourquoi est-ce qu'il faudrait... Parce qu'on a d'un côté les banques qui disent « Nous, on est des entreprises commerciales et on commerce avec qui on a envie. Donc pourquoi vous nous obligeriez à prendre tout le monde ?» Et puis on a de l'autre côté donc la justification qui est de dire on ne peut pas vivre en France sans compte en banque, ça permet de participer à la vie collective. Et après donc toute la question c'est de savoir comment on accompagne, est-ce qu'on peut simplement laisser les gens avoir un compte ou est-ce qu'il faut accompagner ça d'aide, qui doit supporter les coûts, est-ce que c'est la banque postale, qui la banque postale reçoit chaque année une subvention au titre de cette... de son rôle d'accessibilité bancaire. Est-ce qu'on doit développer des services bottom of the pyramid, c'est-à-dire des industries qui se développent pour les pauvres et qui ont des business models qui visent à gagner de l'argent avec des populations pauvres? Et ça, il y a tout un débat en disant on ne peut pas dire qu'on fait de l'inclusion bancaire si c'est pour donner un service dégradé à ceux qui sont pauvres, est-ce que ça doit être au contraire l'ensemble de la profession, et comment est-ce qu'on met ensemble du marchand et du social? Ça, c'est une question récurrente. Alors, quand on regarde du côté de l'Union européenne, qui, elle, passe son temps à dire il faut développer le marché, il faut ouvrir les marchés, et donc, elle explique que c'est important pour le marché de fournir des services à tout le monde, et y compris aux consommateurs les plus vulnérables. Mais en fait, là, elle ne s'adresse pas tellement à la France, elle s'adresse plutôt à des pays, qui, notamment les pays de l'Est de l'Europe, qui ont des systèmes bancaires beaucoup plus petits et on a des populations, des parts importantes de la population exclues. Mais dans le modèle européen, on est dans le modèle libéral le plus classique, c'est-à-dire que être un citoyen, c'est accéder au marché. Donc si on veut développer la citoyenneté, il faut que tout le monde puisse accéder au marché à égalité. Et le travail de protection de l'État, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à un vrai marché. Et donc l'espace bancaire, en fait, devient un lieu où, paradoxalement, on n'a pas une protection qui s'effrite, mais c'est un lieu où on va de plus en plus demander qu'on protège. Qu'on protège soit ceux qui sont déjà là, soit ceux qui sont à l'extérieur. Et dans la loi bancaire de 2013, il y a un pan de la loi qui est autour des tarifs bancaires. Le ministre qui explique que c'est pas normal, puisqu'il y a eu un rapport qui a été fait montrant que les tarifs bancaires sont très déséquilibrés, que en gros les plus riches ne payent quasiment rien puisque la banque veut leur argent et gagne de l'argent en plaçant leur argent ou en faisant des crédits, en leur vendant des crédits. En revanche, ceux qui payent des tarifs bancaires importants, ce sont les plus pauvres. Et notamment par ces frais bancaires, qui malgré les différents plafonnements, continuent à être élevés. Donc, il y a une série de propositions pour plafonner les frais bancaires. Et la discussion est très intéressante, parce que, en fait, le ministre passe son temps à limiter les ardeurs des parlementaires. Les parlementaires veulent plafonner pour tout le monde. Et là, les banques se prend le bas de combat. Enfin, on l'a su après, mais les banques font des chiffrages en disant si vous nous enlevez nos frais bancaires, vous allez nous appauvrir considérablement, vous allez nous obliger à licencier notre personnel, et c'est des centaines de milliers de personnes, le personnel bancaire, donc le ministre est très sensible à l'argument. Donc, pour ne pas fragiliser l'équilibre des banques, il ne faut pas plafonner les frais pour tout le monde. Et donc, la discussion, ça va être, est-ce qu'on plafonne pour les plus pauvres? Ça, tout le monde est d'accord. Donc, on fait un plafonnement pour les plus pauvres, mais qu'est-ce qu'on fait des autres? Et là, il y a toute une discussion sur ce que Theda Scott-Paul appelle le « missing middle », c'est-à-dire la classe moyenne qui n'est pas démunie, mais qui n'est pas suffisamment riche pour être sortie de l'anxiété financière. Et eux, ils ne sont pas protégés, puisqu'ils ne sont pas dans la population vulnérable. Et donc là, à ce moment-là, il y a toute une discussion en disant « mais cette population-là, il faut la protéger, parce que c'est une population qui, en gros, se retrouve en situation de difficulté et on le voit, enfin, les gilets jaunes, c'est vraiment cette population-là, en fait, qu'on va retrouver. C'est-à-dire une population qui ne veut pas se considérer comme étant du côté de la pauvreté, mais qui a besoin du soutien de l'État. Et quand l'État se retire, en fait, c'est cette population-là qui est la plus vulnérable, puisqu'elle n'a pas son propre patrimoine. C'est celle que Castel décrivait comme celle qui bénéficie de la propriété sociale dans l'État social. C'est celle qui n'a pas le patrimoine, mais qui, par le fait d'être salariée, a un bout de la propriété sociale. Et quand la propriété sociale diminue, elle se retrouve en situation de vulnérabilité. Et donc là, ce que disent les banquiers, c'est cette population-là, c'est une population qui est autonome, il ne faut pas la traiter comme une population pauvre qui aurait besoin d'une aide. Donc, la solution, c'est l'éducation financière. C'est de lui apprendre à bien utiliser son argent. Et ça, nous, les banquiers, on sait faire ça très très bien. Donc, en fait, on a deux approches de la protection. Soit on laisse, enfin, dans tous les cas, il s'agit de laisser le marché fonctionner. À part quelques parlementaires communistes qui disent qu'il faut empêcher les banques de faire tout et nationaliser tout ça. En gros, il y a un accord sur le fait que le marché doit fonctionner, mais que l'État doit faire un équilibre entre l'insertion des citoyens, l'activité bancaire et un pilotage macroéconomique quand même, à un moment donné, pour limiter l'inflation et soutenir en même temps l'activité économique. Mais on a aussi, donc ça c'est le premier cadre, on a aussi un deuxième cadre qui est de dire le service bancaire ne doit pas être vu comme un service financier, mais doit être vu comme un outil de participation à la vie sociale. Et les banques, en fait, sont un service public. On en a besoin, on est obligé de s'en servir, donc il ne faut pas considérer que c'est un service marchand et les traiter seulement comme un service marchand. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même les plus libéraux ont une partie de leur argumentation qui va aller dans ce sens-là, parce que de toute façon, la banque est un service particulier, puisque c'est l'accès à l'argent, et qu'elle se retrouve dans une situation de monopole, on est obligé de passer par la banque pour accéder à son argent. Mais malgré tout, on ne peut pas considérer que c'est un choix de commercer ou pas avec une banque. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux formes d'analyse, dans les deux cas, on a une très faible imputation de causalité. C'est-à-dire que la pauvreté des personnes pour qui il va quand même falloir plafonner, personne n'est jamais responsable de cette pauvreté, en fait. Alors, surtout pas les banques. Hein. Les banques ne sont que des thermomètres de la difficulté d'une partie de la population. Et ça, il y a un lobbying extrême des banques pour passer leur temps à dire ça. Et donc, elles ne veulent jamais accepter ce qui leur a été pourtant reproché, c'est-à-dire qu'elles augmentent la pauvreté par les frais bancaires qu'elles peuvent créer, par les blocages qu'elles peuvent faire. Elles peuvent elles-mêmes créer des problèmes, mais elles passent leur temps à dire qu'elles ne sont pas responsables des problèmes qui viennent de l'extérieur. Et puis, par ailleurs, dans toute cette discussion, qui est une discussion économique importante, hein, cette discussion de la loi de 2013, on n'a jamais vraiment de questions sur le libéralisme, la libéralisation de l'économie et la fragilisation d'une partie de la population que ça engendre. Et donc on a en fait deux mondes. On a d'un côté les banques dont il faut maintenir le profit et de l'autre côté des gens en situation de pauvreté. Et c'est presque comme si c'était un hasard. Ils se retrouvent un peu dans la même pièce et il va falloir trouver une solution pour les deux. En faisant attention à l'un et à l'autre. Alors ça, certains parlementaires sont quand même un peu choqués de cette mises en équivalence et disent non, on peut pas raisonner de cette façon-là. Mais finalement, le poids que les banques ont dans l'équilibre général de l'économie fait qu'elles arrivent à être quand même très protégées de dérégulation. Et la solution que tout le monde va trouver, sur laquelle tout le monde va se mettre d'accord, c'est donc cette idée d'inclusion bancaire. Donc cette inclusion bancaire, je vous disais, ça a fait l'objet d'un rapport de la Cour des comptes de 2017, qui est important parce que c'est le signe d'une institutionnalisation du sujet. D'avoir un rapport qui va mettre ensemble des tas de politiques en disant, voilà, ça, c'est un domaine de la politique publique qu'on peut appeler l'inclusion bancaire. Alors ce terme, il a d'abord été développé, il vient de l'économie du développement. On parle d'inclusion et d'exclusion, et on ne parle pas tellement de bancaire, mais plutôt de financière, dans le monde de l'économie du développement, où il s'agit en gros de dire, et ça vient de du G20, de la Banque mondiale, il s'agit de dire qu'il faut que les gens rentrent dans l'économie formelle. Et il y a plein d'indicateurs, par exemple, pour considérer qu'un pays est en voie de développement, dans la bonne voie vers le développement, il y a toujours ces indicateurs sur la part de la population dans l'économie formelle. Et c'est jugé comme un signe de développement sain. Donc ça veut dire... C'est pas celui de l'ONU, non ? Oh, mais on le retrouve un peu partout. On le retrouve dans les avec rapports de l'ONU. ODD, c'est pas ça. Il y a plein d'indicateurs divers. On retrouvera ça aussi à l'OCDE, au FMI. Enfin, c'est vraiment un classique, hein, cette idée que l'économie formelle, c'est mieux que l'économie informelle. Donc ça veut dire que l'argent doit circuler par des institutions financières, que le crédit doit être donné par des institutions financières et pas par des usuriers. Ça veut dire aussi faire de l'identification économique, c'est-à-dire qu'on doit savoir où va l'argent, à qui va l'argent, qu'on doit être en mesure de savoir si les gens sont dignes de crédit ou pas. Et puis donc l'idée qu'on va sortir de la pauvreté par un marché qui sera un marché sain et régulé avec des taxes. Parce que la grande raison toujours invoquée sur l'économie formelle, c'est que ça permet de taxer l'économie, alors que l'informel, on le voit pas, on le taxe pas. Dans les pays du Nord, c'est un peu différent, puisque ce n'est pas tellement les pays du Nord autour de l'entrée dans l'économie formelle, c'est plutôt sur l'usage des produits financiers. Puisque, et notamment en France, où en gros tout le monde a plus ou moins un accès à la banque, la question qui va être développée, c'est le fait que certains, certes, ont accès à la banque, mais en fait, utilisent mal les produits, ça leur coûte cher, où on ne leur donne pas accès à l'ensemble de ce qui pourrait leur être utile. Et ça va être le terme en fait, initial, c'est celui d'exclusion bancaire, qui va faire florès à une époque où le terme d'exclusion est lui aussi en plein succès. Le terme d'exclusion étant un terme qui s'est développé à partir des années 70 pour désigner les gens qui subissent le chômage de masse, et qui se retrouvent, et donc c'est une façon de décrire la société, l'exclusion, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je fais très rapide, hein, qui a été critiquée parce que si on prend la lutte des classes, dans la lutte des classes, on a les producteurs, enfin on est dans le monde de la production, et on a ceux qui ont le capital et ceux qui ont le travail, et ils sont en conflit. Dans le modèle de l'exclusion, on perd la lutte des classes, puisqu'on a ceux qui sont inclus, ceux qui sont exclus, donc dans les inclus, on n'a plus cette lutte entre ceux qui ont le capital et ceux qui ont le travail. Ceux qui ont le travail vont être progressivement considérés comme de toute façon du bon côté, comme des privilégiés, donc comme ne devant pas trop demander, hein, puisqu'ils sont déjà inclus. Et puis ceux qui sont exclus, ils ne sont pas dans un rapport de lutte avec les inclus. Ils sont juste, comme ça, poussés par des espèces de forces vers l'extérieur. Mais donc, il y a quelque chose de très difficile à repolitiser, en fait, avec cette notion d'exclusion. Et donc, l'exclusion bancaire, elle est complètement... Enfin, le terme d'exclusion étant devenu très important, l'exclusion bancaire, ça va marcher. Et au départ, il s'agit donc de désigner un problème, de dire, et notamment tous ces gens qui ont des frais bancaires gigantesques, c'est un vrai problème, et puis d'identifier les responsables. Et au départ, les responsables, puisqu'on a les associations qui se mobilisent, et c'est contre les banques. Elles disent, elles ont deux cibles. Elles ont la cible des banques à qui elles disent « vous vous comportez mal avec les plus pauvres » et les pouvoirs publics à qui elles disent « vous ne protégez pas suffisamment votre population en difficulté ». Et donc on va avoir à la fin des années 90 ce terme qui va prendre de l'ampleur. Donc par exemple, au moment de la loi contre les exclusions en 98, On va avoir des tas de textes disant le surendettement a complètement changé de profil, de visage. La procédure de surendettement, elle a été mise en place en 88. En 88, c'est le RMI, c'est le retour de la gauche. Après, il y a eu 2 ans de cohabitation. Et en 88, on a un grand mouvement de politique sociale. Et la procédure de surendettement, elle vient du fait qu'on a des gens qui ont pris des crédits immobiliers dans les années 70, au début des années 80, dans une période où l'inflation était très importante. Donc c'était des crédits qui étaient calés sur une très forte inflation. Donc vous deviez en gros payer de plus en plus au fur et à mesure du temps, puisqu'on considérait que vous alliez avoir des salaires de plus en plus importants. Et pour les banques, si vous prêtez à 5% et que vous avez une inflation de 10% et que vous ne changez pas votre taux d'intérêt, vous allez perdre de l'argent quand vous êtes une banque. Donc pour les banques, pour ne pas perdre de l'argent, il fallait prévoir d'augmenter les taux d'intérêt. Or, on a deux phénomènes. Le premier, c'est la fin de l'inflation par les politiques monétaires du début des années 80. Et le deuxième, c'est la montée du chômage. Donc on a des gens qui se retrouvent avec des crédits immobiliers qui ne peuvent plus payer parce que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté alors que leurs revenus n'ont pas augmenté, et ou parce qu'ils ont perdu leur travail. Donc, c'est des gens qui sont présentés comme des victimes des transformations socio-économiques qu'il faut absolument aider. Et donc, la procédure de surendettement, elle va être mise en place comme c'est une procédure de médiation. Il ne s'agit pas de dire que les gens ne rembourseront pas leur crédit. Il s'agit de dire qu'on va les étaler, qu'on va renégocier la dette et qu'on va rembourser son crédit à l'époque en 10 ans. Donc au début, les gens qui sont visés, c'est des gens de classe moyenne qui ont eu accès au crédit, mais qui ont eu un problème qui fait qu'ils ne peuvent plus rembourser. Et 10 ans plus tard, on a des textes qui disent « Oui, en fait, c'est pas du tout les mêmes. Maintenant, on a des gens qui sont des pauvres et qui ne peuvent pas payer leurs charges courantes et qui se retrouvent en situation de surendettement. » Or, en fait, quand on regarde un peu de près, on a ce type de profil dès le départ. Et dès 90-92, hein, c'est 88, en fait 89 le début de la procédure, dès le début des années 90, on a des textes qui disent la même chose. Donc c'est pas du tout, en fait, régulièrement. Aujourd'hui encore, on va vous dire « Ah, mais le profil des surendettés a totalement changé, maintenant ce sont des pauvres ». En fait, on a toujours eu les deux. On a à la fois des gens qui étaient insérés et qui ont eu un problème, et puis on a des gens qui sont juste pas suffisamment riches pour pouvoir payer leur traite. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'en 98, on a cette idée que l'exclusion crée du surendettement, et donc on a un effet sur les banques et sur les remboursements de crédit de l'augmentation de l'exclusion. On a aussi parallèlement à Lyon un groupe de gens qui travaillent sur l'exclusion bancaire autour de Jean-Michel Servet, qui est aujourd'hui prof à Lausanne, ou à Genève, je crois. Qui travaille donc, qui a tout un groupe de thésards qui travaillent sur la notion d'exclusion bancaire, qui vont faire des enquêtes dans les banques. Mais autour de ce groupe, il n'y a pas qu'un monde académique, il y a aussi des associatifs. Et ils vont publier pendant plusieurs années un rapport sur l'exclusion financière dans le monde. Et dans ces rapports, il va y avoir des textes écrits par le président de la Caisse des dépôts, par des associatifs, par tout un espace comme ça de gens qui vont se mettre à travailler ensemble. Et donc parmi les gens qui travaillent avec Jean-Michel Servet, il y a Georges Loukoviezov, qui est un de ses étudiants en thèse, qui fait une thèse sur l'exclusion bancaire, et qui va devenir quelqu'un de très important parce que son travail va être lu et repris par tout ce monde réuni autour de Jean-Michel Servet. Et il va notamment faire cette distinction entre accès et usage. Les définitions qu'il va produire, les chiffres qu'il va produire vont être ensuite repris par tout le monde. Parallèlement à ça, on a un acteur essentiel qui est le Secours catholique. Alors, le Secours catholique s'est retrouvé, donc il y a une histoire, après on peut faire une analyse sociologique aussi des raisons pour lesquelles c'est le Secours catholique plus qu'un autre qui se retrouve là. En 2001, à Toulouse, il y a une grosse usine qui s'appelait AZF, qui a explosé et qui a dévasté tout un quartier de Toulouse. Et dans ce quartier, en fait, il y a l'histoire d'assurance, etc., il y avait pas mal de commerçants. Et les commerçants, en fait, sont un peu structurellement mal assurés parce qu'ils ne déclarent pas l'ensemble de leurs flux, etc. Donc il y a tout un groupe de gens qui se sont trouvés en difficulté importante. Et à ce moment-là, il se trouve qu'il y avait l'ADI, qui est une association de microcrédit, dont un des membres importants était aussi au Secours catholique et aussi membre du Crédit Mutuel Midi Atlantique, je crois qu'il s'appelle, et qui donc a été au courant de ces problèmes de commerçants et qui a proposé des financements spécifiques de microcrédit pour ces commerçants en difficulté, en associant le Secours catholique qui a fait des prêts, ce qu'ils appellent des prêts d'honneur, donc des prêts remboursables, mais en se faisant confiance, avec donc à la fois le Crédit Mutuel, l'ADI et le Secours catholique qui ont monté quelque chose comme ça de façon un peu urgente. Mais en même temps, donc on avait ça, en même temps on avait aussi la dénonciation des frais bancaires par les bénévoles du Secours catholique, et on a quelqu'un qui est arrivé en 2002, un chargé de mission, au siège du Secours catholique, qui a été en charge de l'économie sociale au Secours catholique, et qui s'est intéressé à ce sujet-là, et qui a donc commencé à travailler sur le microcrédit, comment ça pourrait être utile, comment le Secours catholique pourrait participer à tout ça, avec tout un réseau de hauts fonctionnaires, de banquiers sociaux, de monde associatif, qui se connaissaient tous, parce que c'était en gros des gens, pour le dire très vite, du rocardisme social catholique, et qui donc se connaissaient, se réunissaient à la Caisse des dépôts, au Conseil d'État, avec donc tout un réseau de gens qui investissent dans le monde associatif, dans l'économie sociale, mais en même temps, c'est pas non plus, c'est le Secours catholique, c'est pas le Secours populaire, c'est-à-dire que c'est des gens qui croient au marché, qui croient à l'économie, et qui pensent que on peut, en utilisant les outils économiques, améliorer la situation des gens. Et ça va avoir... Enfin, ce groupe-là va être très actif et va conduire à la mise en œuvre du Fonds de cohésion sociale, qui est un fonds dont la Caisse des dépôts est en charge et dont le rôle va être de garantir des microcrédits sociaux. Donc les microcrédits sociaux, ils sont accordés par des banques avec donc, la garantie de la Caisse des dépôts si la personne ne rembourse pas, et un accompagnement qui est assuré par une association. Donc, et là, on va avoir plein d'associations qui vont participer. Et à partir de 2005, donc, ce système-là est développé. On a aujourd'hui à peu près 100 000 microcrédits sociaux qui ont été faits, donc c'est pas un énorme paquet, mais c'est quand même un élément intéressant. Sachant qu'on avait déjà des microcrédits qui existaient pour monter des entreprises, les microcrédits sociaux, c'est pas pour des entreprises. C'est, par exemple... Un des usages les plus courants, c'est d'acheter une voiture. C'est quelqu'un qui a trouvé un travail, qui a besoin d'une voiture pour aller à ce travail, mais comme il n'a pas de ressources, aucune banque ne veut lui prêter. Donc là, comme on sait qu'il va avoir un travail, on lui prête en faisant donc ce microcrédit qui va lui permettre de rentrer dans le travail. Donc un cercle vertueux. Mais on a aussi des gens qui ont financé des soins dentaires, par exemple, qui coûtent cher, toutes sortes de choses, des vacances. Alors après des grands débats, est-ce que les microcrédits peuvent financer tout et rien? Donc voilà, donc ça a été un moment très important parce que on a tout ce groupe de gens qui sont pour un certain nombre d'entre eux des gens importants dans l'État ou dans le monde privé qui ont participé. Après les microcrédits, la deuxième étape, ça a été le manifeste pour l'inclusion bancaire, qui a été donc, vous le voyez, signé par trois groupes, le Secours catholique, l'UNCAS, c'est l'Union des CCAS, et la Croix-Rouge, en 2011. Et ce manifeste, il est très inspiré par les travaux de Georges Lukoviezov, avec toute une série de demandes pour améliorer l'inclusion bancaire. Donc, on est passé d'exclusion à inclusion, là, par ce passage par le Secours catholique. Il s'agissait d'être plus inclusif, de se faire mieux entendre. Donc, vous voyez, on a une série de demandes dans ce manifeste. Faire un institut pour l'inclusion bancaire, mettre en place les points de conseil budget, faire un système de détection, que les banques soient obligées de détecter leurs clients en difficulté, définir les accompagnements, ça s'est mis de façon très bizarre sur la slide. Élargir les missions du Fonds de cohésion sociale et développer l'éducation budgétaire bancaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça c'est 2011. En 2013, donc fin 2012 et début 2013, au début du quinquennat de François Hollande, on a un plan de lutte contre la pauvreté. Et ce plan, il est d'abord préparé par des tables rondes de discussion générale sur plein de sujets sur la pauvreté. Et une des tables rondes dans la préparation est sur l'inclusion bancaire. Donc c'est la première fois que l'inclusion bancaire a ce niveau d'institutionnalisation. Et c'est François Soulages, qui est à l'époque président du Secours catholique, qui dirige cette table ronde. Et le résultat, ça va être que donc il y a un rapport, le rapport Soulages, qui reprend tout ce qu'on a dans le manifeste. Et en fait, toutes ces propositions qui sont là vont être mises en œuvre dans le plan de lutte contre la pauvreté. Et puis, comme en 2013, on a la loi bancaire, une partie de ces éléments-là vont se retrouver dans la loi bancaire, notamment la création de l'Institut pour l'inclusion bancaire, qui va devenir l'Observatoire de l'inclusion bancaire, qui est très différent de ce qui était imaginé. Parce que ce qui était imaginé, c'était un organe de recherche qui aurait eu un financement pour pouvoir régulièrement faire des recherches sur ce qui se passe dans les banques. L'Observatoire de l'inclusion bancaire, en fait, il va se retrouver à la Banque de France avec des banquiers, des associatifs et des représentants de l'État et quasiment pas de représentants du monde académique. Moi, je suis dans le conseil scientifique, donc je peux en témoigner. Il n'y a absolument aucune action scientifique. En fait, ça sert d'outils de négociation avec les banques pour réussir à avoir un peu de statistiques. Bon, je passe là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a en même temps des initiatives bancaires. Donc on a à la fois l'État qui va décider de toute une série de politiques, mais en fait, depuis la fin des années 90, et depuis qu'on a tous ces groupes qui discutent ensemble, il y a eu l'idée d'une co-construction, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas être les uns contre les autres, mais qu'il fallait travailler avec les banques. Et les banques ont développé des tas d'initiatives pour accompagner leurs clients en difficulté, mais aussi pour faire en sorte de bien séparer deux populations. Et ça, c'était vraiment, pour moi, c'est vraiment central pour les banques, d'arriver à avoir d'un côté la population en situation de pauvreté, vulnérable, à qui on propose cet accompagnement, mais surtout de ne pas toucher au reste de la clientèle. Et donc, par exemple, sur les frais bancaires, que les frais bancaires soient plafonnés pour les plus pauvres, mais pas pour les autres. Et c'est pour ça qu'une partie importante des banques ont été de très très très très bons élèves. Par exemple, cet élève, c'est un des meilleurs élèves. Ils ont développé des tas d'outils de détection des difficultés très en amont, d'accompagnement des clients. Ils ont des plateformes téléphoniques avec des savoir-faire importants pour aider les clients quand ils voient qu'il y a des difficultés à trouver des solutions. Et puis, on a un acteur aussi qui a joué un rôle central, c'est Crésus, qui est une association qui propose d'aider les banques quand elles ont des clients en très grande difficulté. Les banques les envoient à Crésus, qui fait de l'accompagnement téléphonique avec les clients, et voir qui va les envoyer, si vraiment il n'y a pas de solution, déposer un dossier de surendettement, mais qui cherche plein d'autres solutions en cours de route. Et Crésus se vante de n'avoir aucune subvention publique, alors que c'est une association qui a pris une ampleur énorme, parce que leur argent vient des banques qui financent qui envoient des clients et qui financent à chaque fois cet accompagnement. Alors, juste pour finir, quelques mots sur l'Observatoire de l'inclusion bancaire comme lieu de récupération de la critique, qui est, vous le savez peut-être, un des concepts développés par Duc Boltanski et F. Capello dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Ce qu'ils expliquent, c'est que le capitalisme, ce qui fait changer le capitalisme pour eux, c'est la critique sociale. Et notamment, il y a plusieurs éléments, mais un des moyens de transformation, c'est que le capitalisme récupère les critiques. Donc au lieu de se transformer, il va dire qu'il a répondu à ce qui lui a été reproché. Donc cet observatoire de l'inclusion bancaire, il peut être vu comme très faible et comme capturé. Hein. Capturé, c'est un terme de science politique pour dire que les intérêts privés ont pris possession d'un outil public. Donc il est très peu doté. Il est à la Banque de France avec quelques personnes qui font son secrétariat, mais il n'y a pas du tout d'argent, par exemple, pour mener des recherches indépendantes. Il dépend des données bancaires, puisque son rôle... Il publie un rapport régulièrement dans lequel on a des statistiques qui viennent des banques. Donc si les banques disent qu'elles ne les ont pas ou ne veulent pas les donner, elles ne sont pas dans le rapport. Il n'y a pas de pouvoir coercitif. Mais pourtant, c'est quand même important parce que ce rapport, il est lu par cette communauté du monde de l'inclusion bancaire et il est utilisé comme un levier. Et c'est très intéressant là de voir comment un outil faible peut quand même être mobilisé pour faire un peu bouger quelques lignes. Alors, ce qui était très passionnant à regarder, c'est comment les banques ont cherché sans arrêt à freiner les ardeurs de l'Observatoire. Donc, par exemple, il a fallu définir l'inclusion bancaire. La première définition, donc ça, c'était le rôle du conseil scientifique de définir l'inclusion bancaire. Il y avait une définition qui venait des travaux de Glukoviezov qui disait que c'était l'accès et l'usage des produits aux produits bancaires pour mener une vie sociale normale. Et les banquiers ont dit « Ah non, non, ça ne marche pas du tout, parce que nous, on n'est pas là pour la vie sociale, nous, on est là pour la vie économique. » Et donc, on a eu des débats infinis. Après, ils ont dit « Normal, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne peut jamais définir ce que c'est normal. » Donc, ils ont réussi à circonscrire beaucoup la définition pour arriver à une définition qui ne soit que, en gros, accéder à un compte en banque. C'est ça, l'inclusion bancaire. Donc, évidemment, plus on réduit les tâches qui leur incombent. Après, l'autre question, ça a été sans cesse, et ça l'est encore, d'expliquer... Enfin, de savoir qui est responsable des problèmes. Et donc, pour les banques, les responsables sont de deux ordres, soit des problèmes sociaux qui sont à l'extérieur, soit des clients qui ont des comportements, des mauvais comportements avec les produits bancaires qu'on leur fournit. Donc, on voit là qu'il manque un des acteurs, hein, les banques et les politiques commerciales des banques sont, enfin, ils se débrouillent sans cesse, et ça, c'est vraiment un travail de lobbyiste basique, hein, se débrouille sans cesse pour que les politiques bancaires ne soient pas mises en cause dans les discussions. Après, l'autre enjeu, ça a été de définir cette fameuse clientèle fragile qui se trouve dans la loi, hein, puisqu'il y a cette offre clientèle fragile que les banques doivent fournir à leurs clients. Et pour ça, il faut donc avoir défini la clientèle fragile. Et en fait, ce qui a été choisi, c'est de demander aux banques de détecter la clientèle fragile. Donc, c'est les banques qui font qui définissent les critères de cette population à qui elle doit fournir une offre qui commercialement pour elle est pas très intéressante puisque c'est une offre qui est pas chère et qui permet aux gens d'avoir accès aux services de base. Et donc là, on a aussi une espèce de débat assez homérique sur comment on fait pour s'assurer que les banques jouent le jeu. Et donc finalement, ce qu'a fait la Banque de France, c'est de travailler avec chaque banque, parce que le dernier levier qui serait un vrai levier, ce serait de dire, de publiciser les banques qui jouent le jeu et qui jouent pas le jeu. De dire, voilà, la Société Générale est complètement nulle, le Crédit Lyonnais est beaucoup plus vertueux. Et ça, les banques, ça les inquiète un peu. Donc avec cet outil-là, la Banque de France a obligé quand même les banques à expliquer quels étaient leurs outils de détection. Et puis on a aussi la question du choix des indicateurs. Et finalement, ce qui a beaucoup changé les choses, c'est que le Villeroy de Gallo, qui est l'actuel gouverneur de la Banque de France, s'est penché sur le sujet, et notamment sur les frais bancaires, puisque en fait, on s'est rendu compte, finalement, en réussissant à avoir les données, que les frais bancaires continuent à être extrêmement élevés pour les personnes pauvres, parce que le plafonnement, il ne plafonne pas tous les frais, il plafonne certains frais. Donc les banques sont obligés d'appliquer encore ce qui est plafonné, mais il y a tout le reste. Et donc, le gouverneur a fini par dire, c'est vraiment hypocrite, vous ne pouvez pas dire que vous plafonnez si vous continuez à infliger des frais par ailleurs. Donc, il y a eu un engagement des banques de plafonner l'ensemble pour la clientèle qui avait été détectée comme étant fragile. Or, le problème, enfin, l'autre problème, et ça, c'est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fini par demander aux banques leurs critères, on arrive à un chiffre de 3 millions, qui est sans doute un chiffre très, très affaibli, mais après on regarde combien de gens ont l'offre clientèle fragile, et on n'en a que 300 000. Et là, ça c'était vraiment l'outil qui permettait de dire aux banques, là il y a un problème. Parce que déjà, vous sous-estimez complètement les gens en difficulté, mais en plus, il se trouve que les gens n'ont pas, vous ne leur faites pas souscrire l'offre. Et là, les banques ont dit, oui, mais c'est les gens qui ne veulent pas la prendre, c'est... on a regardé un peu comment l'offre était proposée. Et en fait, selon les banques, il y a des banques qui ont des taux de souscription beaucoup plus élevés parce qu'ils font tout un travail d'explication. Alors que d'autres banques envoient une lettre aux gens en disant « Bonjour monsieur, vous avez été détecté comme étant un client fragile. Nous vous proposons une offre pour les clients les plus en difficulté. » Et ça, voilà, savent très bien que les gens ne vont pas souscrire et que ce sera une façon de conserver des clients à qui on peut appliquer les tarifs bancaires classiques. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un mouvement de critique qui initialement est porté de l'extérieur par le monde associatif, puis par le monde académique, qui est une critique de la libéralisation du système bancaire. Mais ensuite, il y a une alliance qui se crée entre tout le monde, et notamment avec le microcrédit, où là, on ne va plus se critiquer entre acteurs qui organisent le système, mais c'est les pratiques des emprunteurs qui vont devenir l'objet de la critique. Et donc, on a un déplacement complet qui va aller vers l'idée qu'il faut accompagner les personnes, que le problème, c'est que les personnes ne savent pas bien utiliser les services bancaires, et donc que c'est avec l'éducation financière, l'accompagnement, qu'on va résoudre tous les problèmes. En même temps, on a une institutionnalisation qui est très différente de ceux qui portaient les critiques au départ, parce que l'institutionnalisation se fait dans ce fameux pôle économique de l'État, puisque c'est la Banque de France qui, et d'ailleurs quand on voit les réunions, on a toujours du mal à savoir si les gens sont membres de la Banque de France ou si c'est des représentants des banques. Vraiment, c'est les mêmes, ils se ressemblent, ils sont habillés pareil, ils parlent pareil. Et là, on voit, dans cette institutionnalisation, là, les acteurs associatifs qui sont toujours dans l'observatoire, qui sont là, se sont trouvés marginalisés. Parce que dans les jeux d'acteurs, dans la prise de parole, dans les arguments qui peuvent être avancés, en fait, ils se sont trouvés dans une situation d'extériorité. Alors que du coup, les banques, elles, qui étaient extérieures quand c'était le Secours catholique qui était central, les banques étaient obligées de faire allégeance. Là, maintenant, ça s'est inversé. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir comment on peut, par une institutionnalisation, transformer les rapports de force et les ressources nécessaires. Et les ressources aujourd'hui nécessaires, c'est plutôt du côté des banques qu'elles se trouvent que du côté du monde associatif. Et donc, on a à la fois une incorporation de la critique par les banques, puisqu'elles ont quand même répondu à un certain nombre de choses. Elles ont dû, contraintes et forcées, faire de la détection et de l'accompagnement. Mais on a aussi une neutralisation de cette critique par l'outil même de l'observatoire. Donc, pour conclure, sur ma question initiale de la protection, en fait, on voit qu'on a des questions importantes auxquelles on essaie de répondre, qui sont qui protéger, de quoi et par qui. En fait, à chaque fois, à chaque étape, c'est toujours la réponse à ces trois questions qui est essentielle. Et donc, la première chose, initialement, il s'agissait de protéger les clients vulnérables de la libéralisation bancaire et des segmentations, enfin des effets de la segmentation. Mais ensuite, on est passé à cette clientèle fragile, quelque chose de très mou, et dont la fragilité n'est pas définie comme venant de la banque, mais comme venant de leur situation sociale difficile. Et en même temps, la demande est passée d'une demande de protection des consommateurs à une demande de lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est aussi parce qu'on est passé par des associations caritatives qui ont mis là-dedans de la lutte contre la pauvreté. Et du coup, les banques, de façon très subtile, se sont rendues compte que si elles se présentaient comme des auxiliaires de la lutte contre la pauvreté, elles pouvaient dire « Nous, on est plus efficaces que des travailleurs sociaux, parce que les travailleurs sociaux, ils comprennent pas bien le crédit, tout ça. » Et puis bon, c'est la bureaucratie, nous, c'est le monde du privé, on est carré, on sait faire les choses. Donc elles se sont très très bien vendues comme ces auxiliaires de lutte contre la pauvreté. Et en même temps, ça leur a permis de déplacer le regard pour qu'on regarde beaucoup moins les problèmes qui venaient de leurs pratiques. Et donc la solution sur laquelle s'accordent tous ces acteurs, c'est de transformer les conduites individuelles et donc de s'éloigner de la transformation du système bancaire. Voilà. Merci beaucoup.